les honneurs de ce cœur niche has gone away. J'essaie de chercher une des chambres. I try sometimes to be able to understand your way. Feel the way on how I feel you. When your eyes come to see me, I'll never tell you. C'était moi qui n'étais pas accordé. Ok, et tu m'as fait passer par celui qui n'était pas accordé. Shit. Ok, reprenez la riff là, que j'essaie de chercher une ligne de chant. J'ai trouvé.